Problème technique, mais là on revient. On écoute Furtif, Western de 2015. Le trident, mes proches, et remplissons nos poches. J'essaie pas de t'approcher. Pull up, pull up, le son. Pull up, tout ce que t'as. Tu vois? Non, remets. Ah ouais, d'accord. Je navigue avec une team de Marie dans la. Attends, à ce moment, à ce pied de début. Pull up, parce que. Je dégaine mon pull-up. Je dégaine mon flow comme Lucky Luke. Aide-moi pas, va aider tes potos qui luttent. Je veux pas qu'on parle de WAM, mais t'arrives à les par et ça tu le fais à chaque minute. Dans la banane BKF, j'ai une mini taille de Sprite. Et un putain de putain de putain de 9 mm. Je dégaine mon flow comme Lucky Luke. Ban sol sous le montant. Tony, tu sauras avec moi, on va te botter le cul qu'on n'a pas ton temps. J'ai fait le tri dans mes proches et remplissons nos poches. J'essaie pas de t'approcher, à la limite t'auras un crochet. C'est tout ce que t'as, putain de salope de merde mérite. Je navigue avec une team 46 de Rossi. Dans leur sac il y a de la farine pour sniffing. Crois pas que c'est pour ton anif. Sur le périph, un peu par an. Peut-être qu'on dérive, qu'on tourne par an. Mais ils sauront que le lifestyle que nous savons est bavon. Des chiffres et des lettres, des chiffres et des lettres. Des red cap et des lettres, des red cap et des lettres. De la weed et des terres, de la weed et des terres. Dégaine ton gun et détale, oui ton gun et détale. On vient western. Western. On vient western. Western. On vient western. Western. C'est fini là? Bah non. Non, qu'est-ce qui se passe là? Ouh là là. On vient western. Western. Des chiffres et des lettres, des chiffres et des lèvres. Des red cup et des lèvres, des red cup et des lèvres. J'fume mon pito dans la belle dia. De la weed et des terres. Dégaine ton gun et détale, oui ton gun et détale. On est plus en cabine que les qu'un free AGDN, évite tes conflits. Quand je suis trop flex, on soit dans la buvette. Ta tête dans la cuvette, tu atteins de la TDAH. Tu te fais de l'argent dans mon dos comme la TVA. Parle que argent comme mes remparts, sinon balais pas à détecteur de Saiyan, détecteur de PH. La seule chose que t'as chauffé, c'est des pattes. Je dégaine mon flow comme Lucky Luke. Mais je suis plutôt du genre Skywalker Luke. Le côté brosson de la force est maîtrisé. Y'a des brunes, des blondes et des métissés. J'ai l'impression que vos vies sont des bêtisiers. Je reste furtif et souris quand j'ai le chéquier. Toujours accompagné des équipiers. C'est toujours nous les mecs les plus flex dans la sepied. Pas la vie que j'ai, la couleur violet j'ai. Je veux une charge des chaînes, bien plus furtif que Bane. L'amour camoufle la haine, sur mon front j'ai le M. Emprisonné dans le luxe, c'est pour ça que j'ai des chaînes. Mais du Javel dans ta chatte, ça va être ça. Un bac à imbattable, je trouve putain d'intéressant. T'es magnifique quand je fonce car le duel est moi. Enlevez l'affiche, enlevez l'affiche. Des chiffres et des lettres, des chiffres et des lettres. Des red cup et des lettres, des red cup et des lettres. De la weed et des terres, de la weed et des terres. Des gars ton gun et des tas, lui ton gun et des tas. On vient western. Western. On vient western. On vient western. On vient western. Des chiffres et des lettres, des chiffres et des lèvres. Des red cup et des lèvres, des red cup et des lèvres. De la weed et des terres, de la weed et des terres. Dégaine ton gun et détale, oui ton gun et détale. Ouais, c'était Furtif, Furtif Western 2015. Et là, c'est enchaîné sur un autre morceau que je sais pas comment il s'appelle. C'est bien super Furtif, bravo, super morceau. Oh, on pourra écouter la fleur tout à l'heure si vous voulez. Tu veux qu'on enchaîne tout de suite avec la fleur là? Je peux l'écouter une fois. Tu veux écouter la fleur? Ok, et puis après on passe à autre chose. Oui, non oui bien après, sûr. Après on va parler, madame elle veut parler des Jeux bien Olympiques, sûr. Mais on écoute encore un. On écoute un peu plus de Furtif, on profite qu'il est là. La fleur de Furtif. Tu l'as composée quand la fleur Furtif? En 2016, il me semble. Exactement. Et les gens, les KJV, c'est ton prod, c'est ça? Non, le KJV, c'est un liqueur. Mais c'est lui qui. C'est son site à lui, où il y a ton morceau? Oui, il y a mon morceau, mais il leak mes sons, en fait. Ah, d'accord. Il est... Oh, moi, j'ai voulu te faire de la pub. Oui, oui. Tu veux faire de la pub? Je veux ton son. seul le seul. Dans la porte, y'a mon swag qui bulle. Sur son arbre, on va faire de fixer. La lumière brille quand même dans sa lumière. Dans le vibe, on est à un écran. Oh yeah. Du talé, des calques en fond, du cache. Non, des manches à la cache. Chiche. Tu m'as vu faire, moi je suis là. Tu m'as fait une fleur, moi je suis ma fleur. Tu m'as fait une fleur, moi je suis ma fleur. Tu m'as fait une fleur, moi je suis ma fleur. Tu m'as fait une fleur, moi je suis ma belle dia. Tu m'as fait une fleur, moi je suis ma belle dia. Dans les dédales de Paname, dans un grand lot, s'il y a trop de vacances. Chaque soir, j'ai envie de faire quelques gros travaux. L'argent m'emmène dans la savane. Je m'évade dans la purple room. On fume un terre avec quelques genoux. Bizarre sous ma juste à tout sa foule. Tellement maladroit, son cœur, je touche. Quand le moteur est en marche, regarde bien avec qui tu marches. Sur le dos de l'état, viens me faire de la maille. Ténébreux et foncé sous les rébats. L'histoire d'une caille, qui vend de la caille. Vaut comme on flanque, qu'on se calme, c'est figure. On arrive avec les pilules. Le seul, le seul. Dans la porte, y'a mon swag qui bulle. Oh yeah. Son arbre va faire de fixer. La lumière brille quand même dans sa lumière. Comme une grosse saloperie. J'ai dû t'aller des calques en fond du cache. Non, des manches à la cache. Chiche. Tu m'as vu fleur, moi je suis ma fleur. Tu m'as vu fleur, moi je suis ma fleur. Tu m'as vu fleur, moi je suis ma fleur. Tu m'as vu fleur, moi je suis ma fleur. Tu m'as vu fleur, moi je suis ma fleur. Belle dia. Tu m'as vu fleur, moi je suis ma fleur. Belle dia. Fuck les brunettes, c'est l'histoire de furtif et ses bras. Gros avec ses pains, faut tout qu'on sait pas. Que piglas on siroté avec une fraie d'étale. Sans bruit, sans faire de détails. J'te donne les piques et j'garde les pétales. Notre flow, on l'étale, mais qui peut arriver. Oh yeah. Végétale, ouais. Inhala végétale, ouais, ouais. Inhala végétale. Joue mon avenir dans une tasse de thé. Retiens notre âge, retiens nos deux thés. Comme un bout de shit, mais qu'on va rester. Jamais tu pourras, t'es gratuit, qu'on sache seulement. Quand tu les restes, les arbres, la verre, on a développé ça. Toi t'es né dans ma vie, tu m'as vendu la prendre. Oh my, c'est nice, tu me regardes en l'air. C'est pas que je t'ai goûté, mais putain, c'était pas. Oh yeah. Ouais, les âmes qui seront en. Yeah, on arrive. Yeah. Yeah. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ouais, super furtif. Super, la fleur. Super. Tu as commencé à faire de la musique à quel âge, furtif? 2014, je crois. Ça fait 10 ans. Salut Magali, bienvenue. Bonjour. Donc ça fait plus de 15 ans que tu fais la musique, non? 10 ans. 10 ans. Et ça, c'est un des premiers morceaux, celui qu'on a écouté avant. Western. Western, ouais. Ouais. Enfin, c'est magnifique, c'est bien. Et tu as toujours ce style un peu entre... Comment tu peux définir quel style de musique tu fais? Enfin, prends le micro, comme ça on t'écoute mieux. Expérimental, toujours. Ouais. J'expérimente la cloud, le rock, le rap, tous les styles un peu. Tous les styles, ouais. Tout ce qui est médicamenté. Tous ces produits pharmaceutiques. Voilà, exactement. Ouais. La pharmacie pour l'âme. La musique, c'est un peu la pharmacie pour l'âme. Les médicaments pour les l'âme. Les médicaments, oui. Effectivement. Pour nous soigner. Ouais. La musique, ça soigne de tous les maux. Quand on est mélomane... Mélomane, c'est quelqu'un qui aime tellement la musique, c'est sa passion. Tu peux en pleurer. Moi, oui, j'en ai déjà pleuré plus d'une fois de la musique. Ah oui. Petite fille de Booba m'a fait pleurer. Je sais que là, c'est dur. Mais petite fille de Booba, oui. Ça parle de mes trois enfants. Et toi, tu as déjà fait un morceau de musique, toi, Tony? Dans ma vie? Oui. Que dans mes pensées, ils ont tous chanté pour moi. Et tu peux improviser un morceau comme ça? Improviser. Oui, comme ça tout ce que tu viens à la tête. Oui, oui. Faudra un petit texte, un stylo, je fais deux, trois phrases. Oui, voilà. Attends, je vais tourner un stylo, phrase. Attends, Isabelle n'a pas un stylo là pour sinon, Tony chose, tiens, regarde, un stylo, je vais tourner un papier. Non, non, mais sinon on peut dire à Furtif de te donner un... Dans les visuels de la crime. Prends un micro, parce qu'on entend pas si... Dans les visuels de la crime. Tu veux improviser sur un truc de la crime? Ouais, le dernier album Vini Vici. Et après, j'étais dans un papier qu'on soit te crée un truc. Ok, je vais mettre Vini Vici, machin. Trouvez-moi un titre qui est plus. Il y a Adolfo Macias, Joker, No Lo Sé, Max B. Non, non, c'est. Vrai salaud, hein? No Lo Sé. D'accord, on y va. J'écoute une fois, Brandy. Vas-y, mets le casque quand ça te coûte. Pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir. Demain je disparais. Demain je disparais. Moi non plus. Moi non plus. Hey. Moi non plus. Non, c'est. Non, non, c'est. De Miami, dans mon dîner, je pars en Italie. Au milieu de la nuit, je vois des femmes, la lumière est tamisée. Il ne faut pas mettre de sentiments si on commence à jouer. On pourrait se tuer par amour, c'est la. Allô, allô. Petite beau, et la plupart c'est des mythos. Oui, des fois je suis un petit con qui porte la peau de piton. Avant midi, je dois la quitter. Quitter, je dois le faire absolument. Je te l'avais dit, mon cœur est miné. Miné, je dois me protéger absolument. Savoir. Demain je disparais. Moi non plus. J't'évite, quand le soir je suis seul c'est pénible. Dans le livre là le dégât c'est terrible. Y'avait plus vaudrait que je me livre, que je la believe, que je la délivre. Même dans des mimiques tu m'imites. Dangereux faut mettre des limites. Si je reste encore c'est que j'hésite. Il faut que je m'arrache comme sur un raco. Souvenir que j'ai, c'est les greffures sur mon dos. Excuse-moi. Ouais, vas-y, si tu veux. Elle tigre, rêve des animaux. Tu es dans l'inspiration, écris ton texte. Après, tu veux. J'ai une punchline à lancer. Bah vas-y, continue. Avant midi, je dois la quitter. Tu sais, quand l'inspiration arrive, il faut y aller, hein. Je sais, mais moi, l'inspi, je l'aime et je préfère l'avoir chez moi. Mais la crime, moi, j'ai mis en visualisaire le jour où je suis sorti. Ouais, mais bon, mais c'est pas grave, tu peux le faire après. Eh bien celle-là. Oui. Pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir. Pas besoin de savoir. Je disparais. Pas besoin de vocoder. Moi non plus. C'est un vocoder naturel, sur la gorge. Ouais, c'est mon naturel de voix. Si je suis énervé, si je suis debout, je commence à chanter. Et si je tremble, c'est pas beau. Ouais. Enfin, quand je tremble, je dis pas énervé, mais genre c'est que je commence à m'énerver sur un son. Quoi. Celui-là, il est classe. Ouais. Ouais, non, c'est parce que je sais toujours pas. Ouais, mais là tu viens d'écrire un petit morceau, tu veux le. Non, même pas, j'ai. Tu vas continuer? Si je le fais, c'est négligé, mais ta femme aime les. Mais ta bad bitch aime les fa. Et pip! C'est bien ça, mais tu veux mettre une musique pour la chanter avec ou une espèce de son là? Non? Tony? Ou après? Sinon, on peut dire furtif que t'envoies un son et toi tu peux improviser au-dessus? Ouais, au pire, ouais. Ouais. Toi, tu as un son que on peut mettre? Flacon 300 BKF shit. Sur SoundCloud? Sur SoundCloud. Je mets quoi? Flacon 3 100. Flacon 3 son. 300. 300. S. Ah, 300, pardon. 300. Le chiffre. Les chiffres. Enfin, oui, le chiffre. Flacon 3, furtif aussi. Oui? Non, BKF shit. Attends, je mets Flacon 300, qu'est-ce que ça dit? Non, il dit. BKF shit, ok. Oui. Ça s'appelle Paracétamol, le disque. Exactement. Ah, je connaissais pas, c'est bien. Attends, vas-y, Tony, tu es prêt? Tu vas chanter ta chanson, tu vas improviser dessus? Tu veux inventer des mots, hein, pas seulement ce ouais, que tu as écrit sais, là. Ouais, je sais. Voilà, c'est Furtif qui te recommande ça pour mettre ta musique. Sophie, mets les casques, t'entends mieux là. Ouais. Tu viens ou pas? Ouais, je peux juste. Vas-y, Tony. Mais j'ai une queue de cheval. Mais je me suis pas payé, je suis pas un PD. Attitude violée, attitude violée. lumière, j'allume souvent sur la muse. Je ride avec la muse. Dans leur game, je m'use. Tous les démons fument avec moi. T'as même pas ton farline. Qu'est-ce que je fais avec toi? Ta white bitch, ils auraient pu m'abranler le machin. M'a dit que c'est faire plein de trucs, elle avalait tout. Quand elle avait faim, hein, comme Paul et Loire, je complote dans le vin. Vas-y, Tony, mets ton flow dedans. C'est forté ce t-shirt, non? T'as voir? Ouais. J'entends dans la lugue, ça comme Malveza, ou des baguettes magiques, mélange la son bois. Je suis à ça roule des baguettes magiques, mélange la son bois. Les brouillards, je suis grand, grand, grand. Sur ma bête d'IA. Que des Rafa à Al. À Al. Si je chante la AK, ils font tous KKKK. Et au flacon 300. Et là, je suis en redescend. Et me casse pas les couilles quand je suis en redescend. Dans ma tête, c'est le désordre. Je déchire son bar et immerse. Référence au mi, du plus gros, au plus qui nuage. Elle a ses lunettes, t'as sorti à la nuit. J'ai indiqué comment. J'ai à toile d'araignée. J'ai fait du sale au dos. Toujours sur moi, on peut toujours me viser et pas m'attraper. Je n'aime pas quand elle fait du bruit. C'est la. J'ai un flow pourri, je le sais. Mais un jour, je vais tout niquer dans ce putain de rap game. Et c'est Tony de 46 euros aussi. Avec Furtif, on est posé. Je l'ai pas en faire comme ton putain de manga. Ouais, sort le flag comme 300. En direct avec Freeze. Je dis que je suis pas dans le temps. Car les pulls sont des diamants. Je plane dans les airs comme un âne. Je plane dans les airs comme un âne. Mais je peux vraiment avoir une queue de cheval. Si tu t'occupes bien de moi. Plane dans les airs comme un avion. Aïe, faites attention à l'avion, il peut toujours scratcher de haut à gauche. On va pas refaire le 21 décembre 2001, mais on le refera plus. Ça, Furtif, c'est un autre projet à toi? Ça, c'est de la cloud. Mais c'est un autre projet dans lequel tu chantais, c'est ça? Oui, dans un groupe dont j'ai appartenu. C'est quand même BKF Shit, c'est ça? Oui, avec qui on avait une marque de vêtements. Ah oui? Oui, tout à fait. Breakfast. Ah oui, Breakfast d'accord. Paris. Ah, j'ai entendu parler de ça. Ok, ok. Et là, tu fais plus partie de ces groupes alors? Non, j'en fais plus partie. Mais solo. Ah oui, d'accord. Mais ah, c'est connu quand même. Moi j'ai entendu ça. Donc vous avez un disque qui s'appelle Paracétamol. Ça. Exactement. C'est pas mal. Bravo Tony, ça t'a plu ça? C'est bien que ouais. Les deux voix ça marche bien. Ouais. Moi j'aimerais justement qu'il m'apprenne un peu à rapper, s'il veut bien. J'ai toujours son contact. Parce que moi je sais qu'on a rappé pour moi. Ouais, ouais. Bah, Furtif, il est fort, il connaît le rap, la musique. Je sais, moi, c'est pour ça que j'ai son numéro et je vais le payer pour qu'il me fasse des vraies sessions. Des cours. Des cours, des vrais cours. Mm. Parce que moi, j'écris plus en poème. Ouais. Donc... Et après, il faut faire à ma manière avec mes mots. Ouais. Mettre ça en parole, quoi. Ouais, mettre ça en parole, soit violente, soit non violente. Ouais, ça, c'est bien. C'est mieux que tirer sur les gens. Hein. Tu vas avoir moins de problèmes. Tu peux tirer avec tes mots, quoi. Ah ouais, je sais, mais moi, c'est ce que je fais, moi. Mmh. Ouais, comme ça, tu vas passer de fichier S à fichier Love. Ouais, je préfère. Bah, moi, j'aimerais 17 novembre. Ouais. De ouais. La crime, parce que c'est la musique de... C'est presque la date de naissance de ma mère qui est née le 18 novembre. Ouais, d'accord. Avec le clip. Ok, on va voir ça après, mais on va donner quand même un peu la parole aux autres. Après, on revient sur toi. Et... Oui, c'est pas toi. Vous voulez parler avant? J'ai oublié votre prénom. Je suis. Bon, vas-y, Magali, tu es là. Hein, tu voulais dire quelque chose? Non. Tu voulais parler aux Jeux Olympiques, mais ça peut venir après. On écoute d'abord Magali. Micro. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait mettre la musique de la Panthère Rose, juste la musique, et puis je lis mon truc. Ok, tu vas lire quoi, un poème, ça? Je vais lire des petits poèmes, des haïkus. Des haïkus. Pour vous informer, qu'est-ce que c'est un haïku? C'est un petit poème. Donc je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça se fait. Okay. Avoir un peu la musique de la Panthère. Oui, attends, je cherche, j'arrive, c'est un petit peu de... Une vieille version, juste musicale. Oh, attends, je ne peux pas faire ça, ok. Et vous vous rappelez ce film, La Panthère Rose? Oh, oui. Tadam, tadam. C'est un peu comme la Jericho. Tadam, attends, on va... Mettre un peu ça. Ça fait un peu la même que Jéricho, mais quand on regarde le film dans les années 50, ça fait un peu peur en fait. Ah oui, ça te fait peur? Les versions. Parle le micro parce que ça s'en. Les versions anciennes comme dans les années 50 de La Panthère Rose, ouais. C'est un peu. Ça fait un peu peur en vrai. Hein. Ouais, je sais. Non, c'est vrai. Moi, je suis quelqu'un de bleu comme je peux être quelqu'un de rouge. Tu peux parler au micro, Tony, s'il te plaît, parce que sinon on se perd. Je suis quelqu'un de bleu comme quelqu'un de rouge. Mmh. Ah oui. C'est-à-dire que je peux être très gentil comme très mal, très méchant. Très, très, très fuego. Voilà, exactement. Ok, on met un peu Panthère Rose. Furioso. Je mets ça, on va. C'est ça? Alors, un haïku, par exemple, ça va être que neige un pinceau qui puisse peindre les fleurs du prunier avec leur parfum. Donc ça, c'est réalisé par un poète japonais. Donc le haïku, en fait, c'est un poème japonais en trois vers composé de 17 syllabes. Donc c'est assez difficile. Et au beau milieu de la frénésie des années 50, Jack Kerouac, comme beaucoup d'autres écrivains américains des générations précédentes, a choisi l'errance afin de retrouver l'Amérique mythique et l'homme dans sa pureté originelle. Et c'est dans l'étude du bouddhisme que naîtra l'engouement de Kerouac, Jacques, pour la forme poétique épurée du haïku. Comme la graine qui contient l'arbre en germe, ces courts poèmes de trois vers seront autant de moments d'épiphanie ponctuant la voie difficile vers la sagesse. Donc Jacques Kerouac a écrit quelques haïkus que je vous lis à présent. Le son du silence est toute l'instruction que tu recevras. Le ciel est toujours vide, le rose est toujours sur les touches de la machine à écrire. Petit morceau de glace au clair de lune, dans la neige par milliers. Aube, une étoile filante, une goutte de rosée se pose sur ma tête. Au soleil, les ailes du papillon comme un vitrail d'église. L'arbre qui bouge au clair de lune voit clair dans mon jeu. Une feuille tombe droit dans la nuit calme, le rêve de changement. Gazouillis d'oiseaux, le brouillard voile le portail. Fou, j'ai écrit des rideaux de poésie en feu. Les semelles de mes chaussures sont propres à force de marcher sur la pluie. Penchées contre le mur, les fleurs éternuent. Une fleur au bord de la falaise se penche sur le canyon. Voilà, ça c'était quelques exemples de haïkus bravo, par Jacques Kerouac. Bravo, merci. Bravo, bravo. Merci, merci. Toi, y a notre chroniqueur de la gastrosophie, là. Attends, il faut donner un micro. Et après tu viens. Bah, s'il est d'accord. Hein. Ça te va? Il y a pire, hein. Comme ça, on peut faire de la musique. We'll be right back. très jazzy, hein. Henri bah, Mathieu. C'est très Beat Generation quand même aussi, quand même. Bah oui. Quand j'étais petite, j'avais fait un spectacle de danse où j'étais déguisée en panthère rose. Et alors, ce qui me plaisait, c'était la longue queue comme ça que je pouvais faire. J'étais, je sais pas, j'avais 11 ans, mais c'était en fait de la danse sur patine, sur patin, danse sur glace avec les patins. Ouais, et j'avais tout un déguisement de panthère rose. C'était super sympa. Bon, la combi quoi. Oui, bah oui, même si j'avais que 11 ans. Moi je m'en rappelle parce que en plus il faisait très froid, c'était le soir, il faisait déjà nuit et c'était un spectacle dehors, en extérieur sur une patinoire en plein air. J'avais eu très froid et bah oui. Sophie, tu peux prendre le micro parce que comme ça on t'écoute, il y a plein de micros là, tu prends les casques si tu veux. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Ah oui, oui, oui, tout le monde. Je suis né pour mourir, je suis né pendu. D'accord, ok. Bah oui, parce que c'était quand même une mise en scène pour jouer la Panthère Rose. Plusieurs, mais faut que je m'en rappelle, parce que c'est sur mon Instagram, je prends mon Instagram. Le CM2, CM1. Ah oui. Quoi, hein. Alors, jouer à l'élastique, jouer à la corde à sauter. Oui, à la marelle. Ah oui. Oui. La poutre aussi, j'aimais bien faire des exercices sur la poutre. Et le cerceau. J'arrivais à faire la rondade sur la poutre. Ouais. Le cerceau, c'était sympa aussi. Le hula la corde à sauter. Corde à sauter, super sympa. Ouais. On a des bons souvenirs. Hein. L'élastique aussi, c'était sympa. Ouais. J'étais forte. Les billes, les calots. Tu gagnais ou pas? Ouais, ouais. J'en gagnais des calots. Ah la vache. Ils étaient beaux. Hein. Ils étaient beaux. On collectionnait. Oh, c'était trop beau. Ouais, c'était ouais, trop beau. C'était super beau. Et la tapette avec les images. Ah oui, aussi. Ouais. Tu trichais ou pas? Moi, je trichais. Je mouillais ma main. Et je faisais ça pour les retourner. Non, moi, je ne stressais pas. Ah bon? Non. Ok, bah, c'était un souvenir d'enfance. Ouais. Voilà, je trichais à la tapette. Hein. Je gagnais toutes les images. J'aime bien aussi faire de la canevas. La canevas. Le docteur, il n'en revient pas que j'ai dit ça. Punaise. Non, non, j'écoute. J'écoute, c'est bien. Et tricher à la tapette, ouais. Faut t'avouer, à demi pardonner. Merci. Je courbais ma main comme ça. Non, mais attendez, c'est bon, avec les images brillantes et tout, non. Non, ça coûtait une blinde, ça coûtait 10 francs, docteur. Ouais. Bah oui. Il y a plein de trucs qui coûtaient cher. Même les manuels pour faire les illustrations en histoire-géographie. Il y avait des super beaux trucs qu'on achetait à la librairie. Toutes les semaines, un nouvel exemplaire. C'était très cher. Hein. Bah oui. Et on illustrait dans les cahiers de classe. C'était vraiment du beau matériel. Mon père, il m'a acheté un truc à 10 francs. Non, je ne peux pas, peux pas le perdre à la tapette. C'est vrai, c'est beau matériel. Même les calots et les billes, c'était cher, hein, quand même. C'était cher. Bah oui. Mmh. On faisait attention à nos affaires, quand même. Moi, je les volais aussi. Je les mettais dans ma poche. Bon, laisse tomber. Elle essaie de me détourner de mon chemin de la droite. Je suis le diable. Le diable, ça vient. Je suis une chétane. Ouais, t'as vu? Non, mais j'ai mis un push-up. Mais ça, ils sont pas gros comme ça d'habitude. Le diable vient essayer de nous. Je vois qu'il y a des gens qui me regardent. Nous pervertir. Ouais, ouais, non. J'ai mis un soutien-gorge rembourré. Ils sont pas aussi gros, vous inquiétez pas. J'essaye d'insinuer, d'influencer. J'enlève mon soutien-gorge, ils ont plus la même taille. Tu es tel un serpent. Ouais. J'enlève mon soutien-gorge, ils ont plus la même taille. Oui, oui, je suis convaincue. D'accord. Moi, j'en ai avec des rembourrages que tu peux enlever. Tu sais, comme à l'époque de Louis XVI. Tu sais, tes seins, ils montent, quoi, mais tu crèves. C'est moi, j'adorais leur robe comme ça, là. Ouais. Avec les cerceaux en dessous, quasiment. Ah, oui. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est beau. Ouais, crinoline, je sais pas quoi. Mousseline. Sur piqûre avec de la dentelle. Ah, super beau. Comme Vivienne Westwood. Ouais, exactement. Dans Autant on emporte le vent. Scarlett O'Hara. Ouais. Voilà. Et toc. Bon, à vous, les studios. Et lui, Clark Gable. Clark Gable. Il est beau. Ah oui. Comment il est macho. T'as vu comment il lui parle. C'est tellement romantique. Quand il lui dit, je vais vous dresser comme mon cheval. Oh là là. Je te jure. Oui, allez-y. Et on voulait parler des Jeux Olympiques. Vous voulez parler quelque chose des Jeux Olympiques? Bah. Prenez le micro. On peut rigoler. Hein. Oui, alors. Faut rire hein, ici. Hein. On rigole. C'est qui ton sportif préféré? Sur qui tu fantasmes? Tu étais mort. Je sais pas, j'en sais rien. Donc, moi, c'était Dee Rainer, hein, donc je veux le voir en vrai, je vais me démerder pour le voir. Laisse-le répondre, tu lui poses la question, Sophie. D'accord. Tu peux répondre. Allez-y, allez-y, on peut répondre, ou pas, hein. On n'est pas obligé. Hein. Donc, je dois dire sur qui je fantasme. Un peu le proche du micro. Ça doit être forcément quelqu'un. Non. Enfin. Ça peut être une chose, ça peut être. Moi, je connais des gens qui fantasment avec les nuages. Attends. Moi, je fantasme avec les femmes métissées. Pamela Anderson. Pamela Anderson. Oh, les métisses. Oui, Pamela Anderson, aïe. Aïe, on l'a retrouvé, docteur. Il n'était plus là. Il y a une lumière qui s'est allumée. J'ai dit Pamela Anderson, il a fait... Pamela Anderson, non. Si. Non. Là, tu la vois courir au ralenti avec son maillot de bain rouge. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. T'as raison, ouais. Magali, je suis le diable. Hein. Il ouais, faut que tu fasses comme de l'ASMR, tu sais, vous voyez Pamela Anderson. Pamela Anderson dans Alerte à Malibu. Ouais, j'avoue. Elle aussi, j'avoue. Elle avait un super soutif, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, mais j'ai quand pas elle l'enlevait, elle respirait plus pendant le tournage. Hein, Oui. Tranquille, ça veut vanner. Ou Marilyn Monroe, quand t'étais plus petit? Oh, non, moi, c'est des trucs que je me rappelle pas. Hein. Ouais, Pamela Anderson. Ouais. Ou Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, ouais, ça c'est la daronne. C'est la daronne. T'es sûr, c'est pas ton daron? Non, c'est mon père, il aime pas les animaux. Non, mais je t'ai pas. Ok. D'accord. D'accord. Et est-ce que tu fantasmes sur quelque chose comme Martin Carasso? Non, du tout. Ça, je fantasme pas dessus. C'est réel. Sur les nuages? Ouais, sur l'effet papillon. Je l'ai déjà assumé, moi. Faire un sport que tu n'as jamais fait de ta vie. Ouais. Ouais, voilà. Comme de Delta plane, parachute. Soit l'élastique dans le vide du haut d'une montagne. Comme ça? Sans élastique. Ah si, comme du yoga. Comme du yoga. Bon, t'as fait du saut à l'élastique sans élastique ou pas? Ouais, si, du... C'était étage. Comment quand t'es remonté? Ah, quand je suis remonté, je sais pas, j'étais fracassé. Aïe. Ok. Et j'ai vu la femme à Brigitte. Bah, si, la femme à Brigitte? T'es qui la femme à Brigitte? C'est incroyable. Lécher le doigt de pied. Mais elle va sortir du placard, Brigitte? C'est elle? Ouais. C'est Brigitte Macron. Non, non, vous dites Brigitte Macron, vous. Brigitte Macron. Je croyais qu'il parlait de toi. Et son homme a sucé son propre garde du corps sur le doigt de pied. Quoi? Macron. Qui a sucé son doigt de pied? T'as des infos? Vas-y. J'ai des infos. Macron a sucé le doigt de pied à mon oncle. Ah, à Alexandre Benalla, c'est ça? Ah ouais. Oh, mais ça. Oh putain. Ah tiens. Ok, merci. Ah oui, ouais, ça, moi je viens de les croire. Hein. Ouais, comment tu as su ça? J'étais là, il était en train de taper de la coke. Ah oui. Chez moi. Chez toi? Il fait de la téléportation. Moi je le maigre, crois. Il est tout maigre. Il est tout maigre. De qui tu parles? Moi je le crois, moi. De Kiki. Le Kiki de tous les Kiki. Ouais, le Kiki de tous les Kiki. Ouais, je sais, c'est une vanne pour moi, ça, mais... Non, mais elle était excellente, le kiki de tous les kikis. Ouais, non, mais c'est vraiment... En plus, il existe vraiment le kiki de tous les kikis. Ouais, j'en ai un. T'avais un kiki ou pas? Ah, moi, j'ai bien un kiki, moi. Ils suçaient leur pouce ou leur biberon? Je crois que c'était le biberon ou leur pouce, je sais pas. Les petits singes. Moi, c'est des coquillettes, à la base. Des coquillettes? Ouais, à la base, c'est une coquillette. Qui suce... ouais. Ah, mais toi, t'as... ça donne des corps aux mains, ça. En plus, elle est tordue comme elle. Bah dis donc, on t'a compris, c'est le kiki de tous les kikis. Donc ils étaient tous chez toi, ils prenaient de la coke et ils souciaient leurs pieds, c'est ça? Ouais, ils prenaient de la coke, Macron ou quelqu'un, ou Éric Ciotti, un des deux. Et t'étais pas invité? Et c'était chez Pierre toi? Pierre Palmade aussi, non? Et tu regardais? Ouais, Pierre Palmade, exactement, c'est Pierre Palmade. Il a le cancer, il a plein de masse sur lui. Et c'était soit Éric Ciotti, soit c'était Pierre Palmade. C'était Alex Ciotti, c'est qui lui? C'est un mec, il a le DAS, non? Je sais pas. Oh là là, comment ils disent Ciotti là? Hein? Mais je pense qu'ils l'ont tous. Hein. C'est qui habite en face de chez Jamel Debbouze? Il faut se maintenir. C'est qui habite en face de chez Jamel Debbouze? C'est Macron. Et c'était chez toi, t'étais pas invité avec Pierre Palmade. C'était chez moi, mais c'était chez moi. Bien sûr, j'ai été invité, c'est moi, je les ai invités. C'est toi qui as fourni la coke? Non, c'est moi, j'ai pas fourni la coke. La coke, moi, j'ai acheté, appelé quelqu'un, on me l'a ramené. Ah, d'accord. T'as même dit l'heure que Macron, alors? Bah, j'ai dealé à Macron, alors. D'accord. Tu dealais à Macron? J'ai dealé un gramme de coke à Macron. Ouais. Et t'as couché avec Brigitte ou. C'était trop rouillé pour toi? C'était trop rouillé par rapport à... Non, c'est pas ça. Elle faisait nimp, c'est pour ça que j'ai senti... Non, parce que moi, avec les cachets, j'y arrivais plus. T'arrivais plus à rentrer dans Brigitte avec les cachets? Ouais. Bah, fallait forcer un peu. Ou ça montait pas, avec les cachets, c'était pas le top. Celle qui aime rien, elle aime rien. Elle aime rien? Elle est pas assez attirante, c'est pas Pamela Anderson, hein? Non, j'ai pas dit ça. Non, mais moi, je l'ai dit. C'est pas Pamela Anderson, Brigitte Macron, hein? Ouais, je sais. Ah, yeah, il se braque. Je peux plus rentrer dans sa tête, c'est fini. Il se braque. Non, ouais, voilà. Ouais, voilà. Il s'est braqué. Si, Gertrude, c'est une femme que j'ai aimée. C'est qui, Gertrude? C'est une femme que j'ai connue, Cynthia. Ah bon? Attends, elle s'appelle d'abord Gertrude, après Cynthia. Micro. Merci. Il y a un truc qui va pas, là, hein? Parce que moi, j'ai... Ah, déjà, Gertrude, c'est improbable, hein, parce que c'est un vieux prénom, hein. Plus personne porte ça. Hein. Bah, c'est toi qui m'as. J'ai retrouvé des Ismé. Hein? J'ai retrouvé des Ismé, c'est qui? Je sais pas. J'ai encore des papiers de chez moi avec le colis que tu m'as envoyé. Moi, je t'ai envoyé un colis? Ah, mais alors là, t'as craqué. Hein. Tu m'as jamais envoyé de colis, t'as même pas mon adresse. La vache. Il est amoureux de toi. Si. C'est un truc de dingue. Hein. Non, moi, je ne suis pas amoureux, moi. Moi, je suis pas. Je suis plus amoureux d'elle, moi. Parce que tu tombes amoureux, puis à la seconde, t'es plus amoureux. Non, moi, c'était pas pour toi, la musique. C'est pour ceux qui sont dehors. Bah, pourquoi je... Parce que je veux rapper, moi, c'est mon futur métier. Mais j'ai pas besoin de vos codeurs. Qui t'ont enlevé avec le laser. Ils me l'ont enlevé avec le laser. J'ai fait une déclaration. J'ai fait une déclaration avec Jericho. Ouais, mais ton vocodeur, tu peux pas les récupérer, non? À mon avis, oui. Tu prends des cours avec Furtif et tu vas chanter avec un vocodeur. Au théâtre. Ouais. Attends, essaye, fais comme ça. Essaye ta voix. Hein? Non, ouais. C'est plus l'alcool. Hein? C'est fini la mélancolie. De la pure cachée dans mon colis. Il y a même Mr. Cop, hello. Mr. Cop, hello. Si je parle chocolat, je parle kilo cheat par Rafa, hello. Il y en a plein d'autres. Continue comme ça. Il y en a plein qui... Même ce soir, IP, il y a toutes les musiques me parlent. C'est quoi IP? IP? C'est Daya. Daya. Ah, il y en a qu'à moi, chez Rex. Ah, il y en a qu'à moi, oui, je vois, oui. C'est bien, tu as plein de musique dans ta tête, quoi. Tu chantes tout le temps, tu as de la musique. Quelque chose à dire, monsieur l'infirmier? Non, d'accord. Sophie, tu voulais parler de ta chronique? Non, je voulais le faire parler. Il ne parle jamais. Si, il va parler. Il a parlé l'autre fois. Si, moi, je sais c'est qui, Ayana Kamoura. Non, lui a fait l'astro, il n'a pas parlé. Hein. Ouais, d'accord. Il a juste dit, ah, merci. Bah, il prend son temps. Personne n'est obligé ici. Hein. Donc, chacun prend son temps pour parler quand il peut. Par contre, tu peux poser des questions à tout le monde. Qui peut poser des questions? Toi, par exemple. Ah, alors, qu'est-ce que je peux poser comme question? Tu vas voter qui la prochaine fois? Moi, je le dis directement, je vote Le Pen. Faut que Macron y dégage. Les deux qui sont embrouillés, ils sont pas là, donc lâchez-vous. Hein. Tu penses pas que c'est pire, hein, Le Pen, que Macron? Non, moi, je peux... Macron, il est déjà plus là. Si tu votes Macron, t'es un con. Exactement, t'as tout compris, mon jambon. Par contre, pourquoi Le Pen? Elle est pas raciste. Ah bon? Oui, mais pourquoi Le Pen? Tu kiffes sur son physique ou... Non, je déteste honnêtement les femmes blanches, physiquement. Ah. Donc tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Tu es d'accord avec sa politique? Sa politique plus ferme. Parce que je sais qu'elle veut réguler l'immigration. Tu penses que c'est faisable, vu que c'est l'immigration qui rapporte beaucoup d'argent en France? Bah, justement, ça nous travailler. Pour avoir un salaire. Tu penses pas qu'il faut leur faire des papiers avant, les réguler? Ah si, c'est ce que j'aurais dit, moi, 1008 le salaire net, mis pour une femme de ménage. S'ils veulent pas. Bon, Gertrude, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu m'as passé un bon week-end pour te taquiner? Tu peux m'avoir... De toute façon, je suis à l'hôpital, donc tous les jours, tu ressembles, hein. T'es à l'hôpital? Bah ouais. Oh. En bas. T'es pas à Villevrard. Pourquoi? Pourquoi tu me demandes ça? Bah parce qu'on est à Villevrard. Et alors? Et on est chez Rex 118. Ça va mieux maintenant? Ça fait combien de temps que t'es là? Oh, je sais pas, peut-être une petite quinzaine, un truc comme ça. Ça va mieux? L'année? 2024? Ah, c'est jeune. Oh là là. Ils sont infernaux. La parole à l'ancienne. Alors tu mets les deux ensemble, c'est encore pire. Ah, mais je te jure. Ils sont intenables, ces deux-là. Elle ne peut pas en placer une, Gertrude. Non, mais franchement, les garçons... Bon. Vous êtes fatigants. On dirait que t'es leur mère, tu vois. Ils veulent te sucer le cerveau. Ouais, un truc comme tout ça. Tout est de ta faute. Voilà. J'ai un cerveau reptilien tout même. Tout est de ta faute. Tu vois ce que on je veux dire. On peut remettre un son le 17 novembre. Même ce qui vient après, c'est de ta faute. Tu vois ce que je veux dire. Mais moi, j'assume. Mais ça fait 3 semaines que t'es là. Ça va mieux? Ouais. T'as fait un burn-out, t'as pété un plomb. Ouais, j'ai pété un gros plomb. Tu vois, à vais... cause des garçons, on se crêpe le chignon. Tu vas aller où pendant les vacances juillet? Attends, Marali, vas-y, chante. Tu vas aller où pendant les vacances juillet? J'ai pas compris. Juillet août, tu vas partir ou pas? Je sais pas encore. Pour la daronne, pour la daronne, pour la daronne. Il n'y a pas une maison de repos qui prend la C. Attends, Magali, il a mené une chanson. Pas de... J'ai pas mon... Mon passeport n'est pas fait, donc je vais faire quoi? Les vacances en France, ça coûte une blinde. Ouais. Et alors? C'est bien. J'ai demandé à mon médecin, il n'y a pas une maison de repos qui prend la CMU, je sais pas. Donc tu sais pas quoi Peanut, faire? Peanut, ça s'appelle. Non, je sais pas quoi faire, j'avoue. Là, c'est embêtant. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que je peux te dire hein. Sur la faire des sorties. Ouais, par exemple. Aller au karting, non, c'est aller au bowling, des trucs comme ça. Non, non, c'est notre radio. À la piscine. Ouais. Mais ça passe la bowling. C'est bien le bowling. C'est pas mal, le bowling. Hein. À Torcy, il y en a un bowling. Ah, à Torcy, je connais pas celui de Torcy. Ça ferme à minuit. C'est un message pour ma mère. Bowling, paintball, karting. Attends, c'est de 16h à minuit. Bon, on a, on a 7 minutes. Il y a même un snack à restaurant. Ah. Je pense que Magali voulait nous. Magali, tu finis de l'écrire et après tu vas. C'est à côté de la gare de Torcy, si un jour ça t'intéresse. Tu fais une chanson, tu écris? Ah oui. Non. J'aurais bien écouté, je sais pas. GLGV, Roi du Monde. Lerita Mitsuko. Ouais, attends, mais tu voulais pas chanter une chanson, tu avais mené là? Mais c'est la main. C'est bien. Bon, mais on va. Petit Tony voulait envoyer un message à sa mère, c'est ça hein? Oui, elle est le 18 novembre, mais ils ont marqué le 17 novembre. Attends, je vais voir si ça marche. C'est ça? Ta crime. 2 minutes. Ils m'ont jeté l'œil. Et là, tu m'as la crainté. T'as lâché ta mère. Y'a du poil à gratter. Un petit peu de casse du 9-4, je suis sur le rinté. Apparemment, tu voudrais me faire, faut pas me rater. La nuit, je suis sur le cri. J'en l'odeur du canon cri. Priez de pas nous voir vriller. T'as deux morts sur le canon de gris. Mais non, frérot, c'est pas le tableau de bord. Sur le de cendrier. Je répondrai pas, toutes ces merdes veulent monter sur mon dos pour vriller. Ça baisse nous coûte un dinero. Bébé, loquet, les caresses. J'prends du bon vin. 2 heures du matin avec elle. Car elle devant la falaise. On regarde la lune. Deux fois les yeux. Dédicace à maman. Je sens qu'elle est à l'aise. Un petit malaise. Je sais qu'elle est pas qu'à m'aimer. Je pense qu'à remplir la mallette. Et je fonctionne avec ma vie comme elle fonctionne avec gratitude. Je respecte que pour ma lionne. Des fois les menaces passent besoin de ton sage. Quand tes proches te pleurent, je suis sur la plage. Sur le sage. La crime, je me rappelle, j'allais braquer à l'école du gratté. Et des clopes, y'avait la vie de procureurs qui nous voulaient nous fuck. Y'avait les mecs pour nous stopper, ils nous voulaient off. C'est une catastrophe. On a toujours tout ce qu'on mérite. La vie de ma mère, c'est le mérite. Tu t'es voué pour un jouet. C'est une névrose. Je me la connais pas par cœur celle-là. Ah, c'est dommage. Attends, ok. C'est bon? Ouais, c'est bon, j'ai juste. Super. Comme on m'a appris au théâtre. Après le théâtre, ouais, tu fais une performance là, tu mets les bouts, tu as chanté. Ouais, j'essaye de. T'exprimer quoi? Ouais, voilà. Ouais. Ça fait du bien, non? Ouais, moi ça me fait du bien. Ouais. On peut balancer un truc à Sol Chavir? Oui. Oh, attends, attends, mais il nous finit. Magali, tu voulais dire une chose ? On a encore 5 minutes avant de finir l'émission. Oui, vas-y, Magali. Non, moi, je cherche un morceau à écouter, mais... J'ai mis Jericho, mettez Jericho. Attends, peut-être qu'elle a un truc à dire. Tu veux dire quoi, furtif ? 5 minutes. Moi, je voulais balancer. Chercher le garçon. Bon, on va faire rapidement deux morceaux parce que il y a pris Furtif, vous faire un truc. Je voulais mettre un bon Marley, No More Troubles in the World, mais c'est Taxi pas Girl, chercher le garçon. Deux minutes quoi. Attends, oui. Juste en face. Parce qu'on n'a pas, on a que 5 minutes avant de finir l'émission sur. Ah non, mais juste une minute. Note. Mais est-ce qu'on arrive à les trouver les tubes des années 50, chercher les garçons. Taxi Girl. C'est pas années 50. Hein. Ah non ? C'est après. C'est 80. Ça sort encore la crime. Attends, attends. La névrose. Taxi Girl, c'est plus les années 80. Attends, attends, hop. La névrose. Plus névrose. Attends. Est-ce que ça marche ? Attention avec le micro. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Voilà. T'es au CATTP demain matin, Martin ? Ouais. À quelle heure ? 11h30, celui-là. C'est ça. Les garçons, on est sur Radio Metalac sur Pinot. Un sommeil sans rêve, la forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Quelqu'un veut dire les mots de la fin? Pas de micro avec la même. Voilà, merci Taxi Girl. Voilà. Chers les garçons, merci. Alors nous, c'est jamais un mot de la fin, c'est un mot en attendant la semaine prochaine ou la prochaine revoyure. Exactement. Et puis on est toujours content de se retrouver et puis d'accueillir des nouveaux talents, des anciens talents et d'écouter des nouveaux sons comme Furtif et son pote. C'est vraiment super. Oui. Bien vu Furtif. Moi j'ai bien aimé une piste que tu m'avais donnée, c'était Good Life, Good Vibes, avec une reprise de La Bohème par, je sais pas comment ça faisait, c'était vachement bien. J'ai vu La Bohème. Ouais, on va l'écouter la mercredi prochain. Hein, Good Life, Good Vibes. Good Life, Good Vibes, tu le notes comme ça on se souvient. On l'a noté. Parce que là il est 6h-1 et il y a Tony qui fait du vent là. On va dire au revoir avec du vent tous. Le pneuma. On fait un coucou à Docteur Serra. Docteur Serra. Holiday. On fait un coucou à tous les. Elle a plus de 60 ans maintenant. Waouh. Hein. Bah par contre, un mot de la fin ou pas là? Vas-y. Transmets. La paix sur Gaza. J'ai fait le bouffer. La paix sur Gaza. Voilà, très important. Qu'est la paix sur la monde. La semaine dernière, c'était. Exactement. Qu'est la paix sur le monde. Ouais. Mais on a non, mais j'allais pas critiquer hein. Non, mais c'est-à-dire mais c'est la vie. C'est-à-dire qu'il y a eu un avec sujet politique qui a mis la tension. Il y a eu un coup d'électrochoc tout le monde. Ouais, ouais. Donc 40% pour le FN, tout le monde s'est était pas content ça quoi. Fait y partir au vaudeville. Mais bon ça, quelque chose, toi ça s'est calmé. Ouais. C'est moi, voilà. J'ai calmé les choses, honnêtement. T'as rien calmé du tout, mon coco. Ouais, non, mais. J'ai vu. T'aurais été là, t'aurais mis de l'huile sur le feu. Elle est pas là, Marine Le Pen. Sans Marine Le Pen, moi, je parle pas d'elle. Voilà. Je parle de la guerre mondiale. Elle est là, mercredi dernier, boulala. Ouais, non, mais il y a des esprits. Et Jean-Marie. Là, mais moi, j'ai voté, je voulais pas que Macron y repasse. T'as ta carte d'électeur, mon chou. J'emmerde, Jean-Marie Le Pen. Ouais, j'ai 25 ans, moi. Mais non, mais. Arrête, toi. Tu veux qu'ils partent en vrille? Non, mais t'as une carte pour aller voter. Ouais. T'es inscrit sur les listes électorales. Ouais, je suis en 98, mais je suis mort en 83. D'accord, t'es mort en 83. Bah donc tu peux aller voter. Tu es mort en 83. Y a Bardella si tu veux un truc comme ça. Et comment t'es vivant là si tu es mort en 83? Lui, il aurait été là mercredi dernier, ça aurait été très bien. Tu vois ce que vous je veux dire? Vous connaissez So? So. Non. S-A-W. Bientôt, je suis le maire de Durancy. Voilà, là, on est en train d'en tourner. Ok, bon. Allez, les métanoïaques, on se voit mercredi prochain. On vous aime. Bisous, tout le monde. Que la paix soit à Gaza et dans et en pour la Palestine. Soutiens la Palestine. Et le Front National aussi. Ouais, non, moi, c'est. Front populaire, pas le Front National. Ouais, moi, en plus, moi, je suis pas l'extrême. Front populaire. Front populaire. La gauche, enfin. Ouais, non, mais moi, je suis pas raciste, moi. Ben oui, on n'est pas raciste ici. Sinon, je serais jamais sorti que des. On est le métanoïaque et on va au-delà de n'importe quelle politique. On est la politique de la métanoïa. Celle qui gueulait là. Ouais. Au-delà de tout type de paranoïa. Voilà. Merci les amis. Merci. Merci Furtif. Merci Sophie. Merci Mélanie. Merci Brigitte. Merci Tony. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. On est sur Pinot. Ouais. À sauver le monde. Moi, je l'appelle Paul, petit Furtif. Tu vois ce que je veux dire?